New Order à l'instant sur le 100FM Blue Monday et une nouvelle séquence maintenant qui commence sur l'underground musical français, l'origine de toute la musique indépendante. On en était resté aux années 50 la dernière fois et on va surgir maintenant avec l'arrivée de Bob Dylan. Le reflux yéyé intervient dès 1964. Ronald Mayhew, alias Ronnie Bird, le plus anglais des chanteurs français, riche de plusieurs séjours en Angleterre, perce dans les années 1964 à 1966, captant particulièrement l'attention des premiers adeptes des Beatles et des Stones grâce à une coupe de cheveux et à des chansons en français parfaitement calquées sur le British Beat. Mais le public, ayant un peu trop soupé des adaptations, s'intéresse maintenant aux originaux. Si les premiers concerts des Beatles à Paris en 1963 ne font pas le plein, un an plus tard, ils défraient la chronique. Outre-Atlantique, Bob Dylan branche sa guitare sur le secteur. En 1965, il vient de sortir l'album Bringing It All Back Home lorsqu'il se fait huer par les puristes au Newport Folk Festival pour avoir recours à l'électricité. Oh, get off, look out, kid. Something you did, God knows when, but you're doing it again. You better duck down the alleyway, looking for a new friend. Man in the coonskin cap and the big pen wants $11 bills, and you only got 10. Maggie comes feet foot, face foot, a black suit, talking at the heat, put plants in the bed, but the phone's tapped anyway. Maggie says the men say they must bust an early May, orders from the DA. Look out, kid, you're gonna get hit. Walk on tiptoes, don't try no dose. Better stay away from those who carry around a fire hose. Keep a clean nose, wash your plain clothes. You don't need a weatherman to know which way the wind blows. Well, hang around an inkwell, ring bell, hard to tell if anything's gonna sell. Try hard, get barred, get back, right rail, get jail, jump bail, join the army if you fail. Look out, kid, gonna get hit. Users, cheaters, six-time losers, hang around the theaters, drill by the whirlpool, looking for a new foe. Don't follow leaders, watch your parking meters. Keep warm, short pants, romance. Learn to dance, get dressed, get blessed. Try to be a success. Please her, please him, buy gifts. Don't steal, don't lift. 20 years of school, another push you on a day shift. Look out, kid, keep it all head. Jump down a manhole, light yourself a candle. Don't wear sandals, try to avoid the scandals. Don't wanna be a bum, you better chew gum. Well, the pump don't work, cause the vandals took the handle. En France, un nouveau courant naît dans leur sillage qui ne se contente plus d'interpréter de pâles copies, mais écrit ses propres textes, parfois même ses propres musiques. Ils se nomment Hugo Frey, Antoine, Michel Polnareff, Jacques Dutronc. Même si ce courant ne quitte pas les territoires bien repérés de la chanson française, il fait preuve d'originalité. En janvier 1966, la sortie du 45 tours Les Élucubrations d'Antoine, interprétée par Antoine et les Problèmes, fait l'effet d'une véritable bombe et devient en l'espace de quelques jours le symbole d'une nouvelle génération. S'inspirant de la démarche artistique et contestataire de Bob Dylan, Antoine balance un texte anticonformiste, quasi manifeste, scandé de hoyer insolent, affirmant avec facétie son désir de liberté, en commençant par celle de porter les cheveux longs. Son programme est clair. Envoyer Johnny Hallyday en cage à Medrano, convertir Yvette Turner à la clarinette et mettre la pilule en vente dans les monoprix. L'album Les Élucubrations d'Antoine, publié sur Vogue en 1966, creuse cette veine dylanienne entre amourette adolescente sans lendemain, évocation de substances hallucinogènes et pérégrination hippie, notamment sur Autoroute Européenne numéro 4. Sorti en 45 tours peu de temps avant Les Élucubrations, Autoroute Européenne numéro 4 valut à Antoine son premier passage télévisé dans l'émission Main dans la main, où il est présenté comme un élève dans une grande école qui a fait toute l'Amérique en bus et l'Europe en stop. Pour sa première télé, Antoine a le culot de chanter dos à la caméra. À Oyé, Johnny répondra directement à travers sa chanson « Cheveux longs et idées courtes », considérant qu'il ne suffit pas d'avoir la tignasse proliférante et de chanter pour changer le monde. De changement, l'année suivante, on voit au moins Johnny affirmer son opportune sympathie pour les hippies en interprétant San Francisco, adapté de Scott McKenzie. En France, les Problèmes, qui deviennent célèbres par la suite sous le nom des Charlots et Antoine, contribuent ainsi à faire connaître, plus ou moins bien, la culture hippie. Le soir tombe sur cette route, en passant vous souriez. Vous vous amusez sans doute de ce que je suis à pied. Cela vous semble inutile, il doit être simple ou fou. Et vous regagnez vos villes, je suis très bien partout. Bien sûr, je pourrais ce soir être bien plus loin là-bas. Mais quand votre ciel devenait noir, l'horizon m'a tendu les bras. Toutes vos automobiles qui s'arrêteraient pour moi m'ont soudain paru futile. Je suis très bien comme ça. Le soleil derrière les arbres s'amuse à ramper déjà. La route se change en marbre, je suis très bien comme ça. Si quelques nuages roses planent encore au couchant, il va bien falloir que j'ose rejoindre celle qui m'attend. ...1966, c'est aussi l'année des premières représentations de la pièce de Mark O, Les Idoles, une pièce de théâtre de Happening s'attaquant ouvertement au système de l'industrie du disque de l'époque yéyé, avec Bulogier, Pierre Clémenti et Jean-Pierre Calfon. Mark O expérimente alors à l'American Center, boulevard Raspail à Paris, une nouvelle forme de théâtre. Cette pièce sera aussi l'objet d'un film en 1968. Voici la number one dance of the USA. Elle se danse, elle se danse, elle se danse comme ça. Mesdemoiselles, enlevez vos petits souliers. Mettez-vous de prier de vous déchirer. Sur un pied, vous sautez trois fois. Et puis sur l'autre, une ou deux fois. Madame, maintenant descendez. Monsieur, veuillez vous reposer. Madame, vous dansez le tango pendant que monsieur fait le beau. Ce que vous venez de danser là, ce sont les tout premiers pas de la number one dance of the USA. Monsieur, allez prendre un balai. Madame, vous le remettez. Madame, monsieur, vous poursuivez. Dans le lit de votre ami, vous l'avez trouvé. Messieurs dans la salle, levez-vous. Allez-y, trémoussez-vous. Mesdames, tapez dans vos mains ce que les messieurs ont fait. Eh bien, c'est très bien, oh yeah. Madame, veuillez vous lever. Dans le cou du monsieur, déposez un baiser. Monsieur, vous êtes chatouilleux. Criez donc au Dieu. Oh mon Dieu. Ce que vous venez de voir là, c'est la number one dance USA. Créée en France à Paris. C'est comme ça que New York des États-Unis. Dans le contexte de la guerre froide, la contestation contre l'impérialisme américain monte en puissance tout au long des années 60. Le Vietnam, point de friction chaud entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, devient une position peu à peu intenable à partir de 1964, lorsque les États-Unis déploient leurs forces, méthodes et armes non conventionnelles. Les Noirs américains, fortement majoritaires dans les contingents envoyés sur place, ils trouvent des arguments supplémentaires pour faire valoir leurs droits sur le sol américain, garantis par la Constitution, mais pas appliqués dans les États ségrégationnistes. Dans le domaine musical, cette émancipation culturelle s'exprime avec une force peu commune dans le jazz que les musiciens afro-américains se réapproprient en remettant en question ses bases rythmiques, harmoniques et mélodiques. Ils n'enterrent pas le jazz, mais au contraire le font rejaillir dans toute sa richesse en réutilisant ses racines profondes, des rythmes d'Afrique de l'Ouest au bebop, en passant par le ragtime et les marching bands. Ils revalorisent une négritude refoulée. Le free jazz bouscule toutes les règles établies pour n'en instaurer qu'une seule en retour. Que chacun puise dans ses propres racines et crée son propre style plutôt que de s'avilir à singer celui des autres. Thank you. Jeff Gilson est avec Jean-Louis Chotan, l'un des personnages clés dans le développement d'un nouveau jazz en France. Il fonde un orchestre en 1963 dans lequel nombre de musiciens français font leurs premières expériences. François Tusk, Bernard Vitet, Barney Whelan, Jacques Tolot, Jean-Luc Ponty, Beb Guérin, Bernard Lubat. Les premiers contacts se font entre tous ces musiciens et les jazzmen américains, d'avant-garde ou non. Jacques Tolot joue à Paris aux côtés de Don Cherry, Eric Dolphy, Donald Byrd. Il enregistre avec Steve Lacy à Rome. Gilbert Hartmann, futur fondateur de l'Art Free, Urban Sax et Catalogue, joue avec Don Cherry et Steve Lacy au Chat qui pêche, l'un des clubs de jazz incontournables pour les musiciens de passage à Paris. La nouvelle génération prend ensuite la main avec François Tusk qui mène l'enregistrement de Free Jazz en 1965 avec Michel Portal, François Janot, Bernard Vitet, Beb Guérin et Charles Saudret, un disque tenant lieu de manifeste de Free Jazz français. Sa publication sur le label coopératif du chanteur Mouloudji est due à une initiative de Colette Mani. La scène jazz et le circuit yéyé entretenaient quelques relations courtoises, beaucoup de musiciens cachetonnant derrière les idoles, en public ou en studio, pour raisons alimentaires. En 1968, Bernard Vitet remet sa démission à Claude François, ayant d'autres engagements, suffisants par ailleurs, et plus en phase avec ses aspirations musicales. François Janot quitte l'orchestre de Claude François en 1970 pour se joindre au groupe pop Triangle. D'autres prennent part à une autre avant-garde, celle de la musique contemporaine. Michel Portal, Bernard Lubat et Jean-Louis Chotan participent régulièrement à l'ensemble Musique Vivante, créé par Diego Masson pour interpréter en concert des œuvres de compositeurs contemporains. Karlheinz Stockhausen, Luciano Berio ou encore Pierre Boulez. Thank you. Le jazz français trouve son autonomie en n'étant plus une réitération du jazz d'outre-Atlantique. Il s'ouvre de nouveaux horizons, mais il s'éloigne encore un peu du public. En 1966, le rédacteur en chef de Jazz Hot, Philippe Cochelin, en a un peu marre d'entendre le père fondateur Charles Delaunay se lamenter de la mauvaise santé financière de la revue. Sans doute faut-il toucher ce public qui s'intéresse de près aux nouvelles évolutions de la musique populaire, celle portée par le mouvement folk des protest songs et du rock anglo-saxon. Pour l'été 1966, Philippe Cochelin sort Rock et Folk, un hors-série de la revue Jazz Hot, avec au sommaire Bob Dylan, The Rolling Stones, Nino Ferrer, Antoine, Hugo Frey et Chuck Berry. L'expérience est encourageante et Rock et Folk devient un mensuel à partir de novembre 1966. Les magazines Rock et Folk et Best, créés en 1968, relatent par chroniques de disques et reportages interposés l'une des périodes les plus fastes et les plus inventives, voyant exploser le mouvement psychédélique de la côte ouest américaine, les Doors, Jefferson Airplane, Grateful Dead, Frank Zappa and the Mothers of Inventions, et sur la côte est à New York, le Velvet Underground, parrainé par Andy Warhol, et en Angleterre, Pink Floyd, Soft Machine et l'Américain Jimi Hendrix, expatrié à Londres pour y trouver le succès. Must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level. Nobody of it is worth. Hey. No reason to get excited. Vous êtes toujours sur Radioactive, Lost in Space, sur le 100 FM. À l'instant, c'était Jimi Hendrix, All Along the Watchtower, pour clôturer la séquence historique, sur l'Underground Musical français. L'émission s'arrête bientôt, il nous reste encore quelques minutes ensemble, et on va continuer de se détendre avec les Alien Sex Fiend. horses are on the track. There's a new dance that horses are on the track. They've been doing it down at the zoo, and I can show you. Here's what to do. All of the states and all the UK, even the Soviets are swinging away. So when you reach the En décembre 1997, Ignacio Ramonet écrivait, en conclusion de son éditorial du Monde diplomatique intitulé « Désarmer les marchés », pourquoi ne pas créer à l'échelle planétaire l'organisation non gouvernementale Action pour une taxe Tobin d'aide aux citoyens, ATAC. En liaison avec les syndicats et les associations à finalité culturelle, sociale ou écologique, elle pourrait agir comme un formidable groupe de pression civique auprès des gouvernements pour les pousser à réclamer enfin la mise en œuvre effective de cet impôt mondial de solidarité. You got me in hot water. Ouvert à des chercheurs d'horizons différents, conscients de la nécessité de se regrouper pour faire avancer la réflexion et offrir au plus grand nombre l'accès à une information souvent censurée, son conseil scientifique est présidé par René Passet et comprend notamment François Chesnais, Suzanne Georges, Gérard Gourguechon, Liam Nangnok, Bernard Maris, Jacques Nikonoff, Dominique Plion et Ricardo Petrelia.